Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Profitons de ces vacances pour revoir ensemble les meilleures sorties DVD de la saison. Les héros de l'âge de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante où une maladresse de Sid, le paresseux, va les propulser au cœur d'un monde étrange, perdu sous la glace et peuplé de dinosaures. Ensemble, ils vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et parfois farfelus. L'événement le plus énorme depuis 2 millions d'années va faire basculer le monde dans une nouvelle dimension. Plus personne ne bouge d'un poil. Bientôt. Sid doit être là-dedans. Sid ! Nous vivions au-dessus d'un autre monde et nous ne le savions pas. Je me sens tout petit. Les héros les plus courageux de l'histoire vont devoir s'aventurer là où aucun mammifère n'a jamais osé aller. Je suis trop jeune pour être mangé. Mamie, aïe. Dès qu'on aura sauvé Sid, je le tue. Sid. Pour moi, je suis toujours aussi beau gosse. Diego. Ah, les choses soient claires. Tout ça, c'est ta faute. Ellie. Toi, tu rentres au village. Par la matron. Par Scrat. Et pour la première fois à l'écran, Scratina. L'âge de glace 3, le temps des dinosaures, un DVD Fox Pathé Repas.